du 110. Benji, c'est moi. Est parti. Bon, on essaye de 110, ça doit être ça. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est 110. Donc faut voter. Je vais vous mettre une batterie. 110. Hein. Ouais, c'est bon. Attends, je vais essayer de mettre une petite carrière pour caler. Voilà, 110. Peut-être un peu mou, je sais pas. Alors, attends. Elle est où la batterie? Putain, la batterie. Elle est ouverte là.